connaît les mondes qu'on est. Nous comptons cacher les mondes paraît. Devant mon noir plagué, mais ça calme. Danse, danse.